d'Ouïman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les chefs d'État du marché commun pour l'Afrique orientale et australe se sont convenus de développer le secteur du commerce dans la région en facilitant l'octroi des visas aux hommes d'affaires. C'est un des points contenus dans le communiqué sanctionnant la fin de leur 23e sommet à Bujumbura ce jeudi. Et l'interopérabilité entre les services de l'état civil et les formations sanitaires facilite l'enregistrement des naissances dans les centres de santé. La province pilote de Kirundo en est l'exemple, avec plus de 10 000 enfants enregistrés dans les délais légaux. Et des sénateurs s'inquiètent de la lenteur mise dans l'indemnisation des personnes expropriées du site où a été érigée la présidence de la République, alors que le budget en cours le prévoit. On aura les détails avec notre correspondant à Gitega. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 55 détenus qui étaient au cachot du parquet en province Cibitoke ont été transférés à la prison centrale de Mimba ce vendredi. Le procureur de la République en cette province a indiqué que ce cachot était débordé avec 120 locataires pour une capacité d'accueil de 80 personnes seulement. Parmi ces détenus figurent ceux qui sont accusés tantôt de meurtre, de viol ou de vol qualifié. Le procureur de Cibitoke a indiqué que le travail se poursuivra afin d'éviter la surpopulation dans ce cachot. Jean-Paul Nsavyimana dit que la pénurie du carburant avait constitué une entrave, précisant que l'activité a été possible grâce au carburant récemment saisi dans des ménages. Les familles de ces détenus apprécient positivement ce travail, puisque certains venaient de passer dans ce cachot plus de 5 mois. Les pays membres du marché commun pour l'Afrique orientale et australe recommandent la mise en place des commissions de dialogue dans le but de consolider la paix et la sécurité au Soudan, en Somalie et de mettre fin aux hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Dans le communiqué sanctionnant la fin du 23e sommet des chefs d'État du COMESA, le secrétaire général de cette organisation, Chiyeleche Kapwepwe, a indiqué qu'ils ont promis de développer le secteur du commerce dans la région en facilitant l'octroi des visas aux hommes d'affaires. Un reportage de Jean-Marie Vianney Gendakoumana. Dans son communiqué de la clôture du 23e sommet des pays membres du COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa en anglais, qui a été dit par le secrétaire général de cette organisation, Chiyeleche Mundu Kapwepwe, a indiqué que lors d'une réunion à huis clos des chefs d'État qui ont répondu présents à ce sommet, ont promis de promouvoir le secteur du commerce et de l'industrialisation et de faciliter l'octroi des visas aux hommes d'affaires membres de COMESA. Ces chefs d'État ont indiqué qu'ils sont inquiets de la guerre qui se déroule au Soudan. Ils ont demandé la mise en place d'une commission chargée d'organiser le dialogue entre le mouvement de l'OBEL et le gouvernement. COMESA member states condemned all acts of violence and hostilities in the Sudan. Nous condamnons tous les actes de violence et d'hostilité au Soudan, raison pour laquelle les présidents du pays membres du COMESA demandent la mise en place d'une commission qui peut aider à établir et prioriser le dialogue pour trouver une solution définitive au conflit. As a way of finding a lasting solution to the conflict. Les chefs d'État membres du COMESA sont également contre les actes de terrorisme perpétrés par le mouvement d'Al-Shabaab en Somalie. Ils ont demandé au Conseil de sécurité de l'Union africaine de prolonger le mandat pour renforcer son travail dans la mission de transition de l'Union africaine en Somalie à Timis en Sicre. Condemned all acts of violence and hostilities in the Sudan. Nous condamnons fermement toutes les actions d'Al-Shabaab et soulignons l'importance du soutien à la lutte contre les activités terroristes en Somalie. Nous adressons nos sincères remerciements aux pays contributeurs à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la réconciliation en Somalie. Nous apprécions le Conseil de la sécurité de l'Union africaine pour avoir prolongé la mission jusqu'à la fin de l'année 2024. For extending the mandate of ATMIS till the end of 2024. Ces chefs d'État se sigent également contre les hostilités qui s'observent à l'est de la République démocratique du Congo. Pour trouver solution à ce problème, ils ont affirmé qu'une commission de sages, composée de 6 membres de COMESA, sera mise en place dans le but de consolider la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 10 000 enfants ont été enregistrés dans la province pilote de Kirundo dans les délais légaux à travers la mise en œuvre de l'interopérabilité entre les services de l'état civil et les formations sanitaires. Cela a été annoncé par la représentante de l'UNICEF au Burundi, France Béguin, lors du lancement solennel ce jeudi de l'ordonnance conjointe entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé sur cette approche qui facilite l'enregistrement des naissances dans les centres de santé. Et c'est dans le but d'alléger ce processus. Le directeur général de la planification au ministère de la Santé appelle les intervenants dans le secteur de la santé à se mobiliser pour la mise en application de cette initiative. Ornella Mucho. L'avènement de cette ordonnance conjointe constitue une avancée majeure dans le renforcement du système d'enregistrement des faits d'état civil. Depuis la mise en œuvre de l'interopérabilité entre les services de l'état civil et de santé pour l'enregistrement des naissances dans les structures sanitaires de la province pilote de Kirundo, depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'au mois de mars 2024, le ministère de l'Intérieur indique que des progrès remarquables dans le domaine de l'enregistrement des naissances ont été enregistrés, d'où 73% des enfants de moins d'une année sont enregistrés contre 84% de moins de 5 ans. La représentante de l'UNICEF au Burundi indique que, avant le mois d'octobre 2023, seulement 34% des enfants de la province Kirundo étaient enregistrés à l'état civil, puisque les parents devraient parcourir entre 30 et 40 km pour atteindre le chef-lieu de la commune. Cette situation a changé grâce au soutien de l'UNICEF et de ses partenaires qui ont favorisé l'amélioration de l'accès à l'enregistrement des naissances dans les délais légaux à travers la mise en œuvre de l'interopérabilité entre les services de l'état civil et les formations sanitaires. Les agents de l'état civil offrent désormais des services d'enregistrement des naissances dans les centres de santé. En effet, 100% des naissances vivantes survenues dans les formations sanitaires couvertes par l'expérience pilote ont été enregistré dans le délai légal de 15 jours, grâce à l'enregistrement des naissances au lieu et au moment de leur survenance. Avec ces premiers résultats très encourageants et forts du potentiel du système sanitaire du Burundi, avec un taux de 76% de naissances survenues dans une structure de soins, ainsi que 83% des nouveaux-nés qui ont accès au premier vaccin, il ne fait aucun doute que le Burundi atteindra dans un futur proche l'enregistrement universel des naissances. Le directeur général de la planification au sein du ministère de la Santé publique interpelle tous les intervenants dans le domaine de la santé à assurer la mise en œuvre efficace de cette approche. Nous appelons aujourd'hui toutes les autorités sanitaires provinciales ici présentes à se mobiliser pour appliquer cette ordonnance conjointe avec rigueur, à renforcer la collaboration entre les agents de santé et les agents de l'état civil et à sensibiliser continuellement les familles. Elle est la clé qui permettra de maximiser les impacts de cette politique en assurant une efficacité durable dans chaque province et en créant des communautés où chaque enfant est légalement protégé. Votre rôle est crucial pour faire de cette interopérabilité une réalité dans tout le pays et pour chaque le succès observé à Kirundo puisse être répliqué dans toutes les provinces du Burundi. Je ne saurais conclure sans exprimer ma gratitude envers nos partenaires au développement et en particulier à l'UNICEF qui nous soutiennent sans relâche dans cette mission. Toutefois, les défis de l'état civil au Burundi restent observés, notamment le problème de conservation, de traçabilité des documents et de gestion des archives. Ornella Mucho. 20 tombes du cimetière de Gifurgué en commune Manda de la province Bubanza sont déjà détruites par des malfaiteurs qui emportent les tôles et les tubes. Selon certains fossoyeurs de cet endroit, ce sont des voleurs qui le font souvent pendant la nuit. Les responsables administratifs déplorent les faits et précisent que les enquêtes sont déjà en cours selon le chef de colline Gifurgué. Pescaritas Cavagnana. Ces malfaiteurs détruisent les tombes et emportent les tôles, des carreaux et tous les matériaux en fer qui se trouvent selon des informations en provenance de certains fossoyeurs de cet endroit. 20 tombes sont déjà détruites de cette façon dans ce cimetière de Gifugwe en commune Mpanda. Seuls les cercueils sont visibles, ce que déplorent les habitants proches de ce cimetière de Gifugwe qui demandent aux autorités administratives et à la police de suivre de près cette situation. On niveau de l'administration, c'est également la désolation totale. Et on précise que ce sont des voleurs qui emportent ces matériaux utilisés pour la construction des tombes afin de les vendre et les enquêtes sont en cours. Le chef de colline Gifugwe fait également savoir qu'ils vont chercher les familles qui ont enterré les leurs dans ce cimetière afin de retourner et reconstruire les tombes. Spescaritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci Spescaritas Kabanyana. Et les sénateurs ont demandé au ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage d'accélérer le processus d'indemnisation des personnes expropriées du site abritant Nare House, du moment qu'une somme de 10 milliards de francs burundais a été alignée à cette activité dans le budget national 2024-2025. Répondant aux questions des sénateurs ce mercredi à Gitega, Prosper Dodiko a déclaré qu'il ne reste que les orientations du Conseil des ministres sur la manière de partager ce montant insuffisant. Correspondance de Gérard Niwikira. Prenant la parole au cours de cette séance des questions orales des sénateurs, le président du Sénat, Emmanuel Sinzohagera, a rappelé que le budget national exercice 2024-2025 prévoit 10 milliards de francs d'indemnité à donner aux populations expulsées du site où est érigée la présidence de la République, communément appelée Kwanare. Après 4 mois d'utilisation de ce budget, Emmanuel Sinzohagera a demandé quand son montant sera partagé aux ayants droit qui ont longtemps attendu qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Répondant à cette question, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Prosper Dodiko, ne donne pas le délai précis de distribution de ce montant acquis de droit, mais il précise que ce montant est trop peu pour le partager entre tous les ayants droit. Ainsi donc, il dit qu'une première possibilité est de le partager aux seuls plus vulnérables et que les autres attendent le deuxième tour. Mais là, une conséquence est qu'il n'y aura pas un dégât de l'espace concerné par l'indemnité car les parcelles seraient dispersées. La deuxième possibilité est d'indemniser systématiquement les propriétaires des parcelles proches de la présidence en avançant jusque là où le montant se terminera. Et l'avantage de cela est que l'espace dégagé sera visible avec une conséquence qu'il y aurait de vulnérables qui ne seraient pas rétablis dans leurs droits. Il a alors conclu que comme cette activité a des effets et impacts sur la population, il a été jugé bon de transmettre le rapport relatif au Conseil des ministres pour qu'il prenne des mesures favorables à tous les bénéficiaires. Il propose en outre que ce dossier soit placé parmi les dossiers les plus urgents. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les personnes déplacées suite aux inondations et vivant aujourd'hui au village 3 de Mutambara, en commune et province Rumonge, se plaignent que leurs enfants apprennent dans des conditions difficiles. Ils indiquent que les enseignants se déplacent difficilement, poussant ainsi leurs enfants à manquer d'enseignants 3 fois par semaine, disent-ils. Pour ce qui est des enseignants, nos enfants dans ce site n'ont vraiment pas réussi. Seuls très peu ont réussi. Ceci est causé par ces enseignants parce que les enfants vont à l'école et nous disent à leur retour que les enseignants ne sont pas venus. Des fois, lundi, mardi, voire jusque jeudi ou vendredi. Une fois, j'ai posé la question dans une réunion et ils ont par après dit que c'est mon enfant qui ne se présente pas à l'école. Par après, moi-même, j'ai raccompagné mon enfant jusqu'à l'école. D'autres enfants ont dit que la maîtresse ne se présentait pas. Par exemple, l'année passée, nous avons amené ici nos enfants. On croyait qu'avec la proximité de ce village avec une école, ils n'allaient pas faire de longues distances. Cependant, on a trouvé qu'il y a des problèmes d'enseignants. La plupart viennent enseigner ici à Mutambara, provenant de Rumonge. Un enseignant peut faire 2 à 3 jours sans venir au travail. Il arrive que jusqu'à 10 heures, ils n'ont pas d'enseignant. Ils y rentrent aussitôt. Mon enfant qui était en 6e année a échoué. Il suivait les cours une fois la semaine. Pour l'éducation des enfants, ça ne va pas. L'enseignant peut chercher un lift. S'il en manque, il ne vient pas. batatonda ngo bigishe kwarashobora kuva muhira kaje kwibaraba ahiga rifiti gusa imuzana kugira shikino kwigisha ayibuze gaca yitahira kwa ico dusaba turasaba yuko abarezi bo kwitaha nous demandons que les enseignants prennent au sérieux leur travail et que nos supérieurs sensibilisent les enseignants parce que nos enfants c'est le Burundi de demain nous passons azodusubiraho twaraha kuberaha turi harabandi. Et sur ce, Bizimana Rubin, conseiller juridique du gouverneur de la province de Rumonge, informe qu'il va s'enquérir de la situation auprès du directeur de l'école où étudient ses élèves. Place maintenant à l'actualité internationale. Actualité internationale. Le président du Botswana, Mogwetsi Masisi, a annoncé ce vendredi qu'il se retirerait à la suite de la défaite de son parti aux élections législatives selon les premiers décomptes. Je souhaite féliciter l'opposition pour sa victoire et concéder l'élection, a déclaré le chef de l'État sortant lors d'une conférence de presse. Les groupes d'opposition raflent au moins 31 des 61 circonscriptions. Le parti d'opposition de gauche Umbrella for Democratic Change, UDC, dirigé par l'avocat des droits humains et diplômé de Harvard, Douma Boko, 54 ans, arrive en tête avec 19 sièges. Les analystes prévoyaient une élection très serrée, même avec une opposition divisée qui aurait pu donner l'avantage au camp du président Mogwetsi Masisi. Et le journaliste algérien Hissan El Kadi, emprisonné depuis fin 2022, a été libéré ce vendredi à la faveur d'une mesure de grâce accordée par le président Abdelmajid Tebboune à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre d'indépendance 54-62, ont indiqué des avocats. Hissan El Kadi est directeur d'un des derniers groupes de médias indépendants en Algérie. Et la République démocratique du Congo a lancé ce jeudi 31 octobre dans le sud-ouest du pays, aux portes de la capitale Kinshasa, la campagne de vaccination contre le paludisme. Avec près de 25 000 morts l'an dernier à travers le pays, d'après les chiffres officiels, le paludisme est un fléau sanitaire en République démocratique du Congo. Les autorités espèrent inverser la tendance avec le vaccin, notamment auprès des plus jeunes. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.